Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Quatrième épisode. Lorsque Juliette vient voir ses voisins, l'ex-commissaire à la retraite Van Dossler et les trois jeunes historiens qui vivent en colocation avec lui, elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à sa meilleure amie, Sophia, cantatrice à la brillante carrière qui a disparu depuis plusieurs jours. Tout cela pourrait être lié à la mystérieuse carte que Sophia a reçue quelques jours plus tôt et dont Juliette pense qu'elle a été envoyée par Stelios, l'amant grec que Sophia a quitté pour épouser Pierre, il y a bien longtemps. Pierre ne semble pas vouloir lever le petit doigt pour retrouver sa femme. Comment peut-il rester si calme? Nos enquêteurs amateurs ne tardent pas à découvrir qu'il a une maîtresse. Serait-ce la clé de l'énigme? Alors c'est officiel, Pierre trompe Sophia. J'en étais sûre, ce type est vraiment minable. Au revoir Juliette, merci. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Bonne soirée, Jeanne. Salut Juliette. Je suis désolé de t'apprendre ça. Elle est comment, la maîtresse de Pierre? D'après Lucien, du style plutôt quelqu'un que personne. Quelle horreur. Si ça se trouve, c'est un crime passionnel sordide. Pierre avait une maîtresse. Alors, il s'est persuadé que Sophia aussi avait une liaison. C'est toujours comme ça. Quand les gens font eux-mêmes des conneries, ils les projettent sur les autres. Il haïssait Stelios. Il n'a pas supporté. Il a suivi Sophia à Lyon et il les a éliminés tous les deux. Ne te mets pas des choses pareilles en tête. Mais ça fait 12 jours. Et si ça se trouve, Sophia a découvert que son mari avait une liaison et elle a décidé de filer avec son ancien amant. Elle t'enverra une carte d'Athènes dans 2 mois quand tu seras un peu tassé. T'as raison. Merci, Saint-Mathieu. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Si toi, la plus gaie, la plus enthousiaste, la plus joyeuse, tu renonces, alors là, on est tous foutus. Hein. Je crois que je vais fermer ce week-end. Partir en Normandie. Avec Georges, on a une maison familiale là-bas. Ça, c'est une excellente idée. Ça te dirait de venir avec moi? Je ne sais pas trop. J'ai du boulot. Et puis j'ai quasiment rien fait dans la maison depuis longtemps. Tu peux venir avec Saint-Marc, Saint-Luc et le vieux commissaire aussi. La maison est grande. Vous avez une voiture? C'est à Verny-sur-Belle, à un trou perdu près de Bernay. Enfin, c'est comme tu veux. On est déjà passé par là, non? Qu'est-ce qu'elle a dit, Juliette? Avant ou après l'église? Elle a dit la grande ferme à gauche de l'église quand on arrive par la nationale. Ça s'appelle le Ménil. Si elle t'en avait parlé plus tôt, on serait parti avec elle. Quelle galère! Et c'est déjà pas mal que j'ai réussi à me faire prêter une voiture. Le Ménil, c'est là! Je l'ai vu! Alléluia! Waouh! Oh là là! Mais c'est immense! C'est parfait! Ouais, de l'herbe à perte de vue, des pierres apparentes, il y a même des poules. C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Mes petits évangélistes, je suis contente de vous voir. Eh ben nous aussi. Les petits trous de Normandes ont bien failli avoir raison de notre week-end. Ah, alors je ne vous demande pas si vous avez fait bonne route. Hein. C'est super que vous soyez venus. Entrez. Entrez. Besoin d'aide, Juliette? Ah oui, je veux bien. Tu peux apporter le dessert. Oh, c'était vraiment délicieux, ton dîner. Avoue, tu savais qu'on allait venir. Disons que je commence à savoir comment parler à Saint-Mathieu. Alors ça y est, t'as pris le pli évangéliste, toi aussi? Oui, mais contrairement à ce que tu penses, ça n'a rien à voir. Ton oncle vous appelle comme ça, juste pour vous emmerder. Et toi? Moi? Moi? Je trouve que ça vous va bien. Ça nous va bien? Comment ça? Pourquoi ça nous va bien? Je sais pas, vous êtes un peu bancal dans votre genre. Comme un char à trois roues. Il vous manque votre quatrième larron, quoi. Eh oh, vous avez pas l'air de vous rendre compte, mais des hommes ont faim là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir les sortir encore longtemps, moi. Ça vient, ça vient. Tenez, apportez ça. Ah, voilà, voilà, elle est belle. Oh là là. Et donc, voilà tout ce que je sais. Aucun hôtel à Lyon n'a enregistré de clients du nom de Stelios Koutsoukis. Mais bon, il a pu donner un faux nom. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est l'impasse. On ne pourrait pas changer de sujet. On est venu ici pour faire un break et tu n'arrêtes pas de parler de ça. Oh oui, c'est vrai. Excuse-moi, Juliette. En tout cas, ta tarte aux pommes, elle est délicieuse. Faites avec les pommes du jardin, s'il vous plaît. Donc, tout est à toi. Les pommiers... Tout. Enfin, à moi et à mon frère. Mais oui, les pommiers, même la rivière, tout est à nous. C'est génial. J'adore tous ces pommiers. Et quand il n'y a que des pommiers, au moins, il n'y a pas de hêtre. Et ton frère, il va venir ? Non, il vient pas finalement. En tout cas, mademoiselle Gosselin, vous êtes un bon parti. Suspect, je vous propose de reprendre un peu de cet excellent vin. Ouh là là, non merci Saint-Luc. J'ai assez bu pour ce soir. D'ailleurs, je vais aller préparer vos chambres et me coucher tôt, je suis vannée. Mais vous prenez votre temps, faites comme chez vous surtout. Ah non, laisse, on va s'en occuper. Lucien est capable de débarrasser une table dans n'importe quel état. C'est vrai, entériné scientifiquement par l'université de Calais. D'accord. Bonne nuit les garçons. Bonne nuit. Débarrasser la table, mais en tout cas pas pour trouver sa chambre. Coucou. Mathias, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais debout à 5h du matin? Je me réveille toujours très tôt. J'étais au bord de la rivière. Et toi? J'arrive pas à dormir. Attends, viens. On sort 2 minutes. Il y a Lucien qui dort sur le canapé. J'adore les bains à l'aube. Et ce calme. Ici, c'est fabuleux. Tout est plus grand, plus solennel. Oui. On voit mieux les choses importantes. Quand j'étais petite, je me sauvais souvent la nuit pour aller au bord de la rivière. Des fois, je m'endormais. Et ma mère me retrouvait au matin, pelotonnée dans le froid. Je me faisais punir pendant des semaines. Elle disait que c'était à cause de ça que j'étais tout le temps malade et que je n'arriverais jamais à développer ma voix. Ta voix ? Je faisais du chant lyrique. Mais contrairement à mon grand-père, ma mère ne voulait pas que je fasse de musique. Elle a fini par me décourager. Finalement, les tortures de mon grand-père n'auront pas servi à grand-chose. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as donné des concerts privés avec une grande cantatrice. Certes autonome, mais tout de même. Tu parles. J'arrivais pas à la cheville de Sophia. Mon Dieu, je suis déjà en train de parler d'elle au passé. Hé, Juliette, viens là. L'oncle n'abandonnera pas, tu sais. C'est un chasseur de roc, du genre résistant. Et si jamais on la retrouve pas, je devrais m'y faire? Je suis pas sûre d'y arriver, Mathias. Je ne sais pas si je pourrais continuer. Toi, par exemple, tu m'en voudrais si je devais partir? Partir où? Loin. Je ne pourrais pas t'en vouloir, Juliette. Tu es précieuse. Tu sais, pour l'autre soir... Je ne veux pas en parler. Non, s'il te plaît, j'y ai beaucoup repensé. Je voudrais... Ah, mais c'est vous qui êtes dehors! Oh, putain, j'ai cru que des gens essayaient de rentrer dans ma maison. Non, j'étais persuadé d'avoir entendu une bagnole. Je viens de me faire un de ces tripes. J'ai pas réussi à trouver la chambre. T'inquiète pas, Saint-Luc. Personne n'essaie de rentrer dans la maison avec une voiture. Je vais te montrer ta chambre. Viens avec moi. C'est décidé, je ne bois plus du week-end. Alors là, vous pouvez me croire. Ça fait presque 3 semaines que Sophia n'a pas donné signe de vie et les flics ne vont rien faire. Non, ils vont rien faire. Je suis à la bourre, faut que j'aille au tonneau. Mais c'est hors de question que j'annonce ça à Juliette, je vous préviens. Et ton copain là? Le Guénec? Bah oui, le Guénec. Il en est où dans son enquête? Le Guénec et ses gars ne vont pas donner suite. C'est du délire. En même temps, Sophia est adulte. Difficile de faire la différence entre disparition inquiétante et largage d'un art. Ah, bah c'est tout ce que tu trouves à dire, Lucien. Non, je tenais aussi à vous annoncer qu'il y a une nana qui est assise devant chez Sophia depuis 1 heure. Hein? C'est vrai, il y a une fille devant chez Sophia. Comment ça? Une nana, la petite trentaine, assez canon sur le muret. Mais qu'est-ce que je vous disais? Elle a un gamin dans les bras. Ouais, c'est encore ce qu'il y a de plus dérangeant. Bon allez, salut. C'est qui, vous la connaissez? Non, mais on n'a qu'à attendre qu'elle se fasse égorger au milieu de la rue. Le Guénec se décidera peut-être à ouvrir une enquête et on saura qui c'est. Marc, tu as le droit d'être fâché contre le Guenec, mais je t'en prie, pas de sarcasme quand il y a des gamins en jeu. Enfin. Même moi, je sais ça. Bien sûr, c'est l'enfer. Croyez-le ou pas, tonton oncle, mais en France, aujourd'hui, au troisième millénaire, on n'est pas foutu d'avoir un fonds d'archives digne de ce nom sur la Grande Guerre. Je galère pour grappiller des miettes chez des grand-mères libidineuses ou derrière petits-enfants cupides. Mathias ? Bonsoir. Tiens, Mathias, dis-lui, toi, au tonton-oncle, les conditions exécrables dans lesquelles les chercheurs tentent de faire leur travail. Non, mais il est persuadé qu'on passe la journée à glander sur Internet. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Simplement, je me demande... Mais vous n'avez pas bougé d'ici. Mathias, si tu tiens à garder la raison, je te conseille de ne pas prendre part à ce débat. La fille non plus, remarque. Vous avez vu qu'elle est toujours là ? Tu déconnes. Elle a passé toute la journée assise devant chez Sophia. Je crois que c'est la preuve qu'on ne sort définitivement pas assez, les gars. Pour ne pas s'être aperçu que des groupies font le pied de grue devant chez nous, faut en tenir une bonne. C'est surtout pour son gosse que je m'inquiète. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui propose de venir ici ? Disons que si c'est Sophia qu'elle attend, c'est plus sûr. Saint-Marc dans toute sa splendeur. Tout à l'heure, il la voulait égorger, et maintenant, il vole à son secours. Tu ne t'es vraiment pas trompé d'époque en choisissant le Moyen-Âge. La culpabilité chrétienne est une chose fascinante. Donne-moi ta cravate au lieu de dire des conneries. Pourquoi ? Tu comptes l'attraper au lasso ? Une cravate, c'est rassurant. C'est mieux quand tu abordes une nana dans la rue pour l'inviter chez toi à la nuit tombée. Dans ce cas, j'y vais moi-même. Ça m'évitera de défaire ma cravate. En plus, je te sauve la mise, elle irait pas du tout sur ta sinistre chemise noire. Non, Lucien, tu n'y vas pas. Et pourquoi ? À ton avis. Parce que tu n'es pas un type rassurant, voilà. Non, mais alors ça, c'est fort de café. Je ne suis pas rassurant. Bon, les gars, décidez-vous, il pleut franchement, là. Ok, vas-y. Pour ce que ça change. Je me dépêche. Et si je la ramène, ne la dévisagez pas comme une proie. Soyez naturel. C'est ça, on n'est pas rassurant, on n'est pas naturel. Mais qu'est-ce que tu fous avec nous ? Faut manger un truc. Qu'est-ce que tu racontes ? On vient de sortir de table. Personne n'a peur de quelqu'un qui mange. La nourriture, c'est rassurant. Je vais couper les tartines. Venez, venez, c'est là. Je vais mettre du manteau ici. Hein ? Voilà. Chers tous, je vous présente Alexandra. Bonsoir. Toi ? Enchanté, Alexandra Vandosler. Bonjour. Mathias, enchanté. Enchanté. Celui qui dit rien, là, c'est Lucien. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, entrez. Non, mais merci, je veux pas vous déranger. Qui veut un bout de pain ? Alexandra. Vous voulez un morceau de pain ? En plus, vous êtes en plein dîner. Non, non, je vais attendre dehors. Je suis sûre que Monsieur Rolliveau ne va pas tarder, vous inquiétez pas. Oh, ben, j'aimerais bien voir ça. On va coucher, petit, et vous allez manger avec nous, Alexandra. C'est un ordre. Comment il s'appelle ? Cyril. Salut, Cyril. Viens avec moi, j'ai plein de bouquins marrants là-haut. Tu peux y aller, maman ? Oui, vas-y, mon chéri. C'est quoi, comme... Oh, j'ai des bouquins... Mais... Non, croyez-moi, rien ne dit que Monsieur Rolliveau va rentrer ce soir. Mais comment ça, pourquoi il rentre ? En ce moment, il travaille beaucoup dans le 15e. Lucien, calme-toi, prends un bout de pain. Non, merci. Et vous le connaissez bien, Pierre ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Lucien, mange ta tartine. Un bon feu, c'est rassurant aussi. Ça va vous sécher en moins de deux, Alexandra. Donc vous êtes la nièce de Sophia ? Exactement. Sophia est la sœur de ma mère. Je suis venue m'installer chez elle. C'est juste le temps que je puisse me retourner. Sophia a accepté de m'héberger. C'est pas la plus gentille des tantes. Si, mais... Comment dire ? Quand avez-vous parlé à votre tante pour la dernière fois ? Je sais pas, 2-3 mois. J'ai eu une série de soucis. J'ai décidé de quitter Lyon et elle a proposé de m'accueillir. Ah, vous venez de Lyon ? Intéressant. Ouais, vous connaissez ? Quelqu'un veut un morceau de pain ? Eh ben, ma tante m'avait dit que vous étiez un peu bizarre, mais c'est carrément loin de la vérité. Sophia vous a parlé de nous ? Bah, bien sûr, on s'écrit souvent avec ma tante. Elle adore recevoir des lettres. Je suppose que vous êtes les petits téméraires qui ont accepté de se mesurer à la baraque pourrie. Elle en a épuisé des étudiants, cette maison, vous savez. Ça m'inquiète un peu quand même que Sophia soit pas là. Elle devait venir me chercher à la gare. J'ai vu personne, mais je me suis dit qu'après 10 ans sans se voir, on s'était peut-être pas reconnus et qu'on s'était loupé. Mais qu'elle soit pas chez elle à cette heure-ci, c'est bizarre. J'espère qu'elle a pas oublié que j'arrivais aujourd'hui. Alexandra. Ah bah non, normalement elle avait calé une visite dans une école pour mon fils demain. Alexandra, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Sophia a disparu depuis 3 semaines. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ma tante aurait disparu et nous, sa famille, on serait pas au courant. C'est parce qu'il n'y a pas de plainte déposée. On n'en sait pas beaucoup plus que vous, mais personne ne l'a vue depuis le jeudi 20 mai. Attendez, attendez. Personne l'a vue depuis 3 semaines et il n'y a pas de plainte? Comment c'est possible, ça? Oula, elle pâlit. Je crois qu'elle va avoir besoin d'un verre. Non, Lucien. Eh bien, son mari ne pense pas qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Et comme Sophia est majeure... Ah non, mais alors là, je peux vous dire, moi, qu'il lui est forcément arrivé quelque chose de grave, sinon elle m'aurait prévenu. Mais il est fou ou quoi, Pierre? Fou ou très occupé? Lucien? Ok, j'ai compris. Je m'occupe du verre. Le mari de votre tante a l'air de penser qu'elle est partie avec un ancien amant, un grec, Stelios. Vous le connaissez? Mais c'est n'importe quoi! Sophia se serait jamais enfuie comme ça avec un amant. Et à la limite qu'elle plante son mari, pourquoi pas, mais pas moi, j'en suis sûre. Bon. Je vais appeler la police tout de suite. Je peux bien porter plainte, moi. Calmez-vous, calmez-vous. Il est 2h du matin. On va attendre demain et... Chut. Il rentre. Rolivo. Il est en train de se garer. Parfait, je vais pouvoir lui expliquer ma façon de penser. Certainement pas. Votre oncle est peut-être mouillé dans cette affaire. Il est hors de question que vous alliez chez lui toute seule. Et qu'est-ce que vous allez faire? Me séquestrer? Si vous préférez aller dormir ailleurs, je peux vous accompagner jusqu'à un hôtel. Mais l'oncle a raison. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé et Pierre fait partie des suspects. On va pas vous laisser aller en face ce soir. Ça pourrait être dangereux. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vous conseille de vous en remettre à la sagesse millénaire de Mathias. Sa vivacité animale remonte aux dernières glaciations. Il s'y connaît en bêtes sauvages et en dangers de toutes sortes. Sinon, on a chacun notre étage. Mais le premier est incontestablement le meilleur, vous verrez. J'ai réparé les toilettes moi-même. Ok, merci. Et puis... Ici, ça pourrait être un bon coin pour le petit. Il suffit de décaler un peu le bureau. Merci. Comme ça, ça ira? Ça ira. Et vos bagages? Mes bagages? Vous avez bien des bagages? Oh, je les ai laissés dehors. Bon, bougez pas, j'y vais. Ça ne t'embête pas que je m'installe avec toi? Ah, parce que tu te soucies de la vie de ton vieil oncle, maintenant. Oh, arrête. Il n'y en a toujours que pour toi. T'en penses quoi d'Alexandra? Je pense qu'on devrait la présenter à Le Guenec. Ça relancerait l'enquête et cette fois de manière officielle. Il est temps d'en finir avec la discrétion, même si ça doit compliquer un peu les choses. C'est le revers de la médaille. Tu récoltes ce que tu as semé, comme toujours. Tu peux pas t'étonner. Oh, mais je ne m'étonne pas, mon cher neveu. Ça fait bien longtemps que je ne m'étonne plus de rien. Ah bah, si on m'avait dit que Van Dossler reviendrait caler ses fesses dans ce bureau. Ça doit te faire bizarre de retrouver la PJ, surtout la nuit. La nuit est la même partout. Tu changes pas. Hein. Bon, on a bien progressé sur le dossier Simeonidis depuis que le juge a ouvert l'enquête. Mais je ne t'apprends pas que dans les affaires de disparition... Les premières 24 heures sont essentielles. Je sais, on a perdu un temps précieux. Mais tu n'oublies rien malgré ton grand âge. Bon. Donc, on a retrouvé et interrogé le fameux Stelios. Le bonhomme assure qu'il n'a jamais mis les pieds à Lyon, et j'ai bien envie de le croire, ça colle avec nos relevés, et le mec a l'air clean. Mais on est en train de vérifier. En revanche, on a découvert un truc bizarre. Ah, je commençais à désespérer que tu me dises ça. J'ai une petite gamine à la maison qui est tout le temps en train de me regarder avec ses grands yeux de biche. Ça me tue de ne rien avoir à lui dire. Eh ben, tu vas pouvoir lui en raconter une bonne. Prépare-toi, tu vas être surpris. Cyril, sois gentil, finis tes céréales. Bonjour. Mais tout le monde s'est passé le mot pour m'empêcher de bouquiner dans le salon ce matin ou quoi? Vous avez fait la grasse matinée aujourd'hui, tonton-oncle? Je me suis couché tard, mais j'ai des nouvelles fraîches. Cyril, chérie, va jouer là-haut. Non. Cyril, les grands ont des choses à se dire. Vous tenez le coup? Mais attention, c'est très fragile, ça. Cyril, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne touches à rien. Tu vas jouer là-haut. Oui, ça va, c'est pas de moi, non plus. Tu arrêtes. Ça suffit, tu montes dans ta chambre. C'est pas ma chambre. Je me suis nulle, c'est pas pouille. Tu veux laisser papa? Je suis désolée. Ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. C'est à cause du père que vous avez quitté Lyon. Entre autres. Tu sais, Alexandra, je peux te tutoyer? Ouais, bien sûr. Eh bien, Alexandra, sache que je me range très rarement du côté des gamins. Très rarement, dans le genre jamais. Mais là, il faut reconnaître que le petit a raison. Elle est vraiment pourrie, cette baraque. Alors tu n'as aucune, mais alors vraiment, aucune raison d'être désolée. Non mais c'est juste que j'arrête pas de penser que ma tante était là, tout près. J'arrive pas à m'enlever de la tête que si je l'avais croisée à Lyon, les choses se seraient passées complètement différemment. Alors, justement, tu peux te déculpabiliser avec ça. Pour l'instant, les flics n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque passage de Sophia à Lyon. Elle avait bien acheté son billet, les dates correspondent bien à celles données par Pierre, mais il semblerait qu'elle ne soit jamais montée dans son train. Je suis pas sûre de trouver ça rassurant. Moi non plus, je dois bien l'avouer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si Sophia n'a jamais mis les pieds à Lyon, alors on a complètement perdu sa trace. Alors, quand est-ce que tu te décides à acheter un téléphone? Quand tes patrons reconnaîtront leur erreur et se décideront à me payer ma pension. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un corps. Oh, oh mon Dieu. Et si tu es là, c'est que vous pensez que... Le signalement pourrait correspondre à celui de Sophia. Mais on est encore sûr de rien. Disons que le corps est... difficilement identifiable. C'était « Debout les morts » de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. Quatrième épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Olivier Clavry, Le Guénec, Elodie Hubert, Alexandra, Pauline Bell, Cyril, et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.